On va parler, c'est la chronique du football collégial avec, on va parler avec un joueur des Cougars de Chicoutimi, c'est Alexis Bradette. Alexis Bradette qui est de Saint-Félicien, qui, si je m'abuse, qui a été suspendu en début de saison, évidemment, en raison qu'il est revenu jouer au football dans la région. Salut Alexis. Salut. Alexis, tu fais partie des joueurs, je pense, hein? Hein? Tu fais partie. Oh oui. Oui, je fais OK. partie des joueurs suspendus au début de la saison. Ça a dû changer des choses. As-tu été déçu dans l'ensemble d'avoir été suspendu quand même 3 matchs, parce que dans le fond, tu revenais dans la région puis tu passais de la division 1 à la division 3, là. Ouais, ben j'ai été déçu, mais je m'en attendais un peu, vu que c'était ça le règlement, mais pour vrai, oui, j'ai été déçu pareil. OK. Dis-moi, Alexis, y a-t-il une grosse différence entre la division 3 et la division 1? Ben oui, quand même, hein. OK. Il y a une bonne différence, là, mais ça mettons, c'est plus comment je pourrais dire ça? Pas compétitif, là, mais c'est plus. Le niveau est pas mal plus élevé, là, Il y a plus de profondeur, j'imagine. Oui. Puis, OK. Oui, dans la ligne, il y a plus de profondeur. Puis, est-ce que les joueurs prennent ça plus au sérieux? Ils se prennent plus ça à cœur qu'en disant 3? J'ai entendu que oui. Vraiment, là, c'est. OK. Puis, l'année passée, t'avais-tu eu un temps d'utilisation? Pas vraiment. En défensive, non. OK. J'ai Puis pas eu le temps attendu en là, défensive. tu joues comme demi-offensif avec les Cougars. Demi-défensif. Demi-défensif. Comment tu as trouvé l'adaptation avec la nouvelle équipe? Bien, ça s'est bien fait, là. OK. Dis-moi, ta saison, comment t'as trouvé? Ben, c'est sûr, j'aurais voulu qu'on ait plus de victoires, mais Ouais. sinon, on a fini fort à Rimouski, puis ce qui est important, c'est les séries. Comment t'entrevois ça, les séries éliminatoires? Ben, j'entrevois, je trouve, on a des bonnes chances de gagner. Il faut y aller match par match, puis on verra à ça. OK. En quelle faculté t'étudies? J'étudie en sciences humaines. OK, puis donc tu vas aller à l'université. Tu vas aller éventuellement à l'université. Oui. OK. Donc, as-tu des visées pour une équipe de football universitaire? As-tu déjà eu des pourparlers? Est-ce que tu sais qu'on t'approche? Ben, je sais pas trop si je veux aller jouer au foot universitaire, mais j'ai pas eu de pourparlers ni d'approche là, vraiment. OK. Ben, Alexis, un gros merci. Bonne fin de saison avec les Cougars de Chicoutimi, puis bonne chance aux séries éliminatoires. Merci, Danny. Alexis Bradette des Cougars de Chicoutimi.